بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous poursuivons toujours dans l'explication du 19e hadith, qui est le hadith d'Ibn Abbas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Yahfazillah, yahfazka ». Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah, et Allah te préservera. Nous avions évoqué ce qui concernait cette partie du hadith, qui était en quoi consiste le fait de préserver Allah, que cela touche au fait de préserver ses limites, ses ordres, ses interdits, de se tenir sur sa législation, et qu'en contrepartie, Allah nous préservera, nous, dans notre religion, dans nos personnes, dans nos biens. Et de là même, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a rapporté des affars se rapportant cela, que le fait de faire preuve de piété lors du vivant de la personne, de sa bonne santé et autres, que cela amènera à des bonnes suites, peut-être même dans sa descendance. Comme il a été dit, par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا » et leur père était un homme pieux. À propos de l'histoire dans Surat al-Kahf, dans la caverne, de ces deux jeunes orphelins qui avaient un trésor caché sous un mur, que le Khadir a voulu casser pour le restaurer, afin que leur trésor reste camouflé, qu'ils le trouvent après avoir atteint leur puberté. Donc là, dans cette parole-là, « وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا إِنَّمَا حُفِظَ بِصَلَاحَ أَبِيهِمَا » C'est-à-dire que ces deux enfants, leurs biens ont été préservés par la piété de leur père, la vertu de leur père. وقال سعيد بن مسيب لابنه لا زدنا في صلاتي من أجلك رجاء أحفظ فيك ثم تلاهد الآية وكان أبوهما صالحا. Donc il a été rapporté de Saïd ibn Musayyib qui l'a dit à son fils, je ne cesserai d'être assidu dans ma salat par rapport à toi. Yannick, quand il dit ça, c'est pas par rapport au fait qu'il fasse sa salade pour son fils, mais du fait que cela amène à une préservation pour son fils, par espoir qu'il sera préservé par rapport à cela. Et ensuite, il lit ce verset qui est « وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا » que si le père, les parents sont de vertu, qu'il y a espoir que cela transparaisse sur les enfants, par la suite, ou dans la descendance. Naam. Il a été rapporté également de Ibn Mundakir, يقول إن الله لا يحفظ برجل الصالح ولده وولد ولده التي حوله فما يزالون في حفظ الله وفي حفظ من الله وستر. Que l'homme de vertu, que ses enfants ainsi que les enfants de ses enfants, c'est-à-dire sa descendance qui sont autour de lui, ne cesseront d'être dans la protection d'Allah et qui les dissimulera. Naam. Avant de reprendre dans les paroles de Cheikh Yahya, j'aimerais évoquer des paroles ici de Cheikh Saleh al-Sheikh, Hafizahullah ta'ala, dans son explication de Arba'in Nawawi également. Par rapport à ça, lui, il touche au point qu'une personne peut être amenée à dévier du fait qu'elle n'ait pas préservé les limites d'Allah, qu'elle n'ait pas appliqué ce hadith comme il se doit. Donc là, on va lire, Inch'Allah. Il dit, طيب وكان كثير ما يحلف صلى الله عليه وسلم لا ومكلب القلوب فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم الله دينه والله عز وجل قد يبتلي العبد بخلال وبخلال في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله عز وجل فيه فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين إخلال في الدين فإنه قد أخل بحفظ الله وقد يعاقب بأن يجعل غافلا وقد يعاقب بحرمانه البصيرة في العلم وقد يعاقب بأن يأتيه الشبهات ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها. Donc il dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de jurer fréquemment au celui qui retourne les cœurs, car comme on dit, les cœurs sont entre deux doigts des doigts du Rahman, il les retourne comme il veut. Donc, la plus grande demande du serviteur, celle à laquelle il doit porter le plus de soin, c'est que son dîme soit préservé, sa religion soit préservée. C'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que ce serviteur soit éprouvé dans sa religion pour une défaillance dans sa religion. Hein, qu'il soit éprouvé dans sa religion pour un manquement ou une défaillance dans sa religion. Hein, par une ambiguïté qu'il atteindrait ou pour une négligence dont il ferait preuve dans certaines choses qu'il est obligatoire de préserver. Et c'est pour cela que si jamais le serviteur, il lui arrive, comme nous l'avons dit, une défaillance dans sa religion, peut-être du fait que lui-même a été défaillant dans le fait de préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, il en subira les conséquences, comme le fait qu'il devienne distrait, inattentif, qu'il ne remarque pas ce qui se passe autour de lui, ou qu'il soit privé de clairvoyance dans la science, ou qu'il soit exposé à recevoir des shubuhat et qu'il ne sache pas comment s'en débarrasser, comment faire face, hein, et comment la repousser. Il dit également, وَقَدْ يُعَقَبُ بِأَنَّهُ يَأْتِيَ شُبُهَاتْ فَتَتَمَكَّنُوا مِنْهُ. Également, qu'il peut être atteint par une shubuhat et qu'il ne sache comment, comme nous l'avons dit, s'en débarrasser. Que cette shubuhat prenne le dessus sur lui. Hein, que cette shubuhat prenne le dessus sur lui. Et il cite à différentes preuves par rapport à cela, mais pour pouvoir écourter le ders, je ne lis pas. Juste, je me contente de lire sa parole à lui. وَكَذَا فِي آيَةٍ أُخْرَى دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُخَذَّلُ وَخُذْلَانُهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَأَعْظَمُ خُذْلَانٍ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْرِصَ تَمَامَ الْحِرْصِ عَلَى أَنْ يَحْفَظَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَفَإِنْ فَاتَهُ الِامْتِثَالُ فَلَا يَفُوتُهُ الِاسْتِغْفَارُ وَالْإِنَابَةُ وَاعْتِقَادُ الْحَقِّ وَعَدَمُ التَّرَدُّدِ وَسُرْعَةُ بِإِتْبَاعِ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَةِ لَعَلَّهَا أَنْ تُمْحَى. Donc il dit également, après avoir cité les versets, qu'il se peut que le serviteur soit abandonné à lui-même. Hein? Ou qu'il soit abandonné dans une chose touchant sa religion. Et cela le plus grand des abandons. Cela est le plus grand des abandons. C'est pour cela que le serviteur, il lui convient d'être soucieux à ce que Allah le préserve. Ou plutôt qu'il préserve Allah dans son ordre. Car si jamais il lui échappe d'obéir, alors qu'il ne l'échappe pas, de demander pardon. Si une chose lui échappe dans une obéissance, qu'il soit incapable de l'accomplir, alors qu'il ne néglige pas le fait de revenir à Allah et demander pardon. Et qu'il clarifie sa situation. Et qu'il ait une croyance véridique. Et qu'il ne soit pas hésitant, hein, dans le fait de faire suivre une mauvaise action par une bonne. Comme nous l'avons dit dans le hadith précédent, par espoir que celle-ci soit effacée. ولهذا فإن حفظ الله عز وجل للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر الدنيا. Et qu'il est plus important pour le serviteur que Allah le préserve dans sa religion plutôt que dans sa dunya. Et il finit en disant وهذا من أنواع العقوبات. Après avoir cité des versets où il cite les Bani Israël, hein, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait mis l'animosité entre eux et qu'il est divisé entre eux, il dit وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلى يبتلي الله عز وجل بالعبد والعباد يعاقب بها المؤمنين حيث يعاقبهم بالفرقة لأنهم تركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من مقتضى العلم وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله عز وجل للعبد فالعبد بحاجة أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إياه. Donc il dit, ça c'est parmi les genres également de conséquences qui peuvent découler du fait que le serviteur n'applique pas convenablement ce qui lui incombe, ce qui lui est rendu obligatoire. Donc de là, il se peut que Allah, comme cela a été avec les fils d'Israël, hein, les Juifs, qu'ils ont été éprouvés par la division entre eux. Hein, l'animosité entre eux. Du fait qu'ils aient délaissé des choses que Allah leur a rendues obligatoires. Ou des choses qui découlent de la science acquise. Que tu as acquis une science, qu'il en découle des actes, et ces actes ont été délaissés. Donc cela rentre dans le fait de délaisser le fait de préserver Allah, ses limites, ses ordres. Car le serviteur est en grand besoin qu'Allah le préserve, qu'il lui accorde son tawfir, sa réussite, et qu'il soit avec lui, et également qu'il l'ajuste. Non. Donc là, ça termine les paroles de Shir, Salih al-Shir, sur ce sujet. Donc nous reprenons avec les paroles de Shir Yaha. J'ai cité ces paroles-là de Shir Salih al-Shir pour ce qui va suivre. Bismillah ta'ala, Inch'Allah, vous allez comprendre. Non. Donc nous étions arrêtés hier dans la partie Yahfazilla Yahfazka, comme nous l'avions dit. Donc là nous allons reprendre dans l'autre partie qui est Qawluhu Iza sa'alta fas'alillah. Que si tu demandes une chose, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, معناه أنك مأمور بسؤال الله عز وجل. قال تعالى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى أدع ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Donc là la parole, le sens voulu, c'est que tu es, il t'est ordonné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le sens, et si mon serviteur t'interroge à propos de moi, alors je suis proche. Hein? Et je réponds à la demande de celui qui demande lorsqu'il m'invoque. Il dit dans le sens également, invoquez votre Seigneur hein, en toute humilité et dans le recueillement. Et certes, il n'aime pas les oppresseurs. Donc, l'invocation est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous ordonne de lui demander. Naam. En toute situation. Qu'il ne faut pas lésiner dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Udhu Allah wa kun mulihan ala Allah fi ad-du'a. Wa qala alayhi salatu wassalam idha sa'ala ahaduhum rabbahu fala yasta'jil. Donc il dit invoque Allah et persiste, insiste, sois constant dans son invocation. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un d'entre vous invoque son Seigneur alors qu'il ne se précipite pas, c'est-à-dire dans le fait de recevoir la demande, la réponse. Hein? Dans la réponse d'Allah, qu'il ne soit pas pressé, car celle-ci peut tarder. Wa fi hadith akhar, sa'altu Allah, falam yujibni. Car il dit, dans un autre hadith, j'ai demandé à Allah, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Hein? J'ai demandé à Allah, et il ne m'a pas répondu. Et il dit, فَلِيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَا لَهُ. Donc il dit que celui qui demande reste déterminé dans la demande, car certes Allah, il n'y a rien qu'il déteste dans le fait qu'on lui demande. Il peut tout donner. Au hadith Abi Dhar al-Qudsi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيته كل واحد مسألته ما نقص ذلك بما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Donc il dit dans le hadith qui viendra également dans ce matn de Arba'in Nawawi, rapporté par Abu Dhar, Hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant au fils d'Adam, que si le premier d'entre vous et le dernier parmi les hommes ou des djinns me demandent, je donnerai à chacun d'entre vous ce qu'il me demande, cela ne réduirait en rien ce que j'ai, ce que je possède, si ce n'est comment réduirait l'aiguille qui entrerait dans la mer. Vous avez déjà vu une aiguille quand on est dans la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ça fait rien. Eh bien, le fait de demander, que si tout le monde demandait à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes et les djinns, cela ne réduirait en rien de ce qu'il possède, comme réduirait cette aiguille plongée dans la mer. وَأُولَٰئِكَ الْمُدْحِرُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الدُّعَى مَا يَنْفَعُ خَالَفُوا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ خَالَفُوا هَدِيَ الْمُرْسَلِينَ طَرِيقَةَ الْمُسْلِمِينَ فَالدُّعَى نَافِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ عِبَادَةٌ وهو عبارة لله عز وجل كما في حديث نعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. Donc il dit il y a des gens perturbés, déviés, et là ils visent les soufis en parlant de cela, qui disent que il n'y a pas besoin de faire le dua. Pourquoi ils disent cela? Car ils disent que Allah c'est ce que tu veux. Ils disent Allah c'est ce que tu veux. Donc ils disent quel besoin y a-t-il de lui demander, de l'invoquer, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, donc j'ai pas besoin de demander. Donc le Shia dit que cette façon de penser, hein, cette idéologie, contredit le livre et la Sunna, et qu'ils ont contredit la voix des envoyés, des messagers, et la voix des musulmans. Car l'invocation est bénéfique, est profitable, incha'Allah. Et c'est une adoration, comme dans le hadith de Norman al-Mashir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la vocation, c'est l'adoration. Ce hadith est connu, vous l'avez sûrement pris dans ou sous le salafa. Quant au hadith, elle doit mour al-ibada, que la vocation, c'est le cerveau de l'adoration, ce hadith est faible. Mais le sens est correct. Naam. Donc il dit également, ثبت من حديث أبي سعيد الخدري إذا دعا أحدكم ربا فإنه يستجاب له إحدى ثلاث ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم إما أن يدخر له إلى يوم القيامة وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها أو بمثلها وإما أن يستجاب له في الدنيا وما تخسر Abadan izad Allah. Donc il dit dans le hadith de Saïd ibn Abi Saïd al-Khudri que si l'un d'entre vous invoque son Seigneur, alors cela sera, sa réponse viendra de trois façons. Tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour rompre les liens de parenté. Tant que la personne n'invoque pas pour une de ces deux choses-là, Allah lui répondra de trois façons. Soit il gardera son invocation et lui répondra Yom al-Qiyama, le jour où il en aura grandement besoin. Soit il lui repoussera un mal par la cause de son invocation, Allah repoussera un mal de lui. Ou soit alors il lui répond au bas monde. C'est-à-dire l'invocation telle qu'elle est, Allah lui répondra. Donc quoi qu'il en soit, l'invocation n'apportera que du bien. Et il dit qu'il n'y a pas de déficit à invoquer Allah. Il n'y a que du gain. Il y a tout à y gagner. Soit dans l'au-delà, soit dans ce bas monde, soit que tu t'en rendes compte, ou soit alors, comme tu l'as demandé. Naam. Wa su'al. Su'al wa ghayrillahi subhanahu wa ta'ala misl al-amwat ya ibn alwan ou ya fulan alladhina la yaqdiruna la nafa wa la dar shirkun billah akbar. Donc il dit le fait d'invoquer, de demander autre qu'Allah, comme le fait de demander aux morts, d'invoquer un tel, ou un tel, ou un tel, ou d'invoquer une personne, de demander une personne lorsqu'elle est incapable d'accomplir cela, ou demander une personne à foine, une personne qui peut ni te profiter, ni te nuire, cela rend en quoi dans le shirk akbar, l'association majeure. Qala ta'ala, wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Donc il dit dans le sens, et celui qui invoque avec Allah une autre divinité dont il ne détient aucune preuve, alors son compte revient à son Seigneur, et certes, ne réussiront pas les mécréants. Donc Allah, ici, indique que celui qui invoque autre que lui est un mécréant. Cela est du kouf, kouf akbar. Ensuite il dit, « In kana su'al li ghayrillahi mimman la yaqdiru alayhi ila Allah fa huwa shirkun akbar. Wa in kana su'al li ghayrillahi mimma yaqdiru alayhi al-insanu, mathalan, a'tini al-qalam, aw a'tini kaza. » Ou je t'ai dit, Kaza, Wama il est Zalika, Fima Yakdiru Alayhi, Fahada, Yatrou Fitasawul. Fawa Mazmoumoun, Fikitabilla, Wasunat Rasoulihi, Sallallahu Alayhi Wasallam, Kama Sayati. Donc il dit le fait de demander autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah est en mesure d'accomplir, cela est du shirk, Akbar. Et que s'il demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il est en mesure d'accomplir, c'est-à-dire demande à une personne de faire une chose pour lui, et que cette personne est en mesure de faire, cela est permis. D'accord ? Cela est permis. Par contre, il y a des demandes, certaines demandes qui sont, elles, blâmables. Comme le fait de dire à une personne, par exemple, donne-moi le stylo, ou donne-moi telle chose, ou achète-moi telle chose. Cela rentre dans la mendicité. Et cela est blâmable. C'est un acte qui est réprimandé en islam. Comme cela est réprimandé dans le livre et la sunna, comme cela va venir, Inch'Allah ou Ta'ala. Il va en parler. Donc je poursuis. Donc là, le shir va parler maintenant de cette mendicité. Qu'en est-il ? Le fait de demander de l'argent aux gens. Il dit, « Wa in kana su'alu lima fi aydi an-nas fa huwa tasawwul darwasha ma yajuzu an yatasawwal al-insanu mithl ashab al-jam'iyat shaghalu anfusahum 'indana jam'iyat wa 'indana aytam 'indana ma'ad 'indana dawwakhu an-nas shaghalu an-nas akhadhu amwal an-nas bil-batil وفي هذا الباب ثبت عدة مناهي منها. حديث ثوبان يقول: من يدمن لي أن يسأل الناس شيئا أن لا يسأل الناس شيئا ضمنت له أضمن له الجنة. وحديث الثمانية الذين بايعهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبيعوني؟ ألا تبيعوني؟ قالوا: قد بيعناك. قال: أن لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لأحدهم ناولنيه. Donc il dit, quant au fait de demander aux gens de leurs biens, hein, ce qu'ils possèdent, cela est de la mendicité. Hein, cela est de la mendicité. Cela n'est pas permis que la personne demande de l'argent aux gens, comme le font les jam'iyat, les partisans de jam'iyat. Jam'iyat, c'est les associations. Et le sujet, Inch'Allah, on en a déjà beaucoup parlé, vous le savez. Beaucoup d'articles sur le site ont été traduits, alhamdoulilah, donc celui qui veut revenir vraiment sur les preuves de leur interdiction et de qui démontre qu'ils sont une innovation, qui les retourne, Inch'Allah. Donc il dit, ces ashab de jam'iyat, les partisans des associations, hein, ils fatiguent les gens, ils les fatiguent du fait qu'ils n'arrêtent pas de dire nous avons jam'iyya, nous avons des orphelins, nous avons un institut, nous avons ceci et cela. C'est-à-dire qu'ils veulent de l'argent en échange pour qu'on les aide. Ces gens-là font tourner la tête des gens, ils les fatiguent, ils leur prennent de leur temps, ils les occupent. Et ils mangent l'argent des gens, du moins et plutôt ils prennent l'argent des gens, hein, vainement, faussement, de façon vaine et interdite. Il y a beaucoup d'interdictions pour cela, comme le hadith de Thauban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit qu'il ne demandera rien aux gens, je lui garantirai le paradis. Regardez la vertu de la suffisance. Et également le hadith des huit qui vinrent pour porter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne prêtez-vous pas allégeance deux fois, plusieurs fois. Ils disent, nous l'avons fait. Et parmi les conditions de l'allégeance portée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que vous ne demandez rien aux gens. Que ne vous demandez rien aux gens. Donc après cela, ces gens-là appliquèrent le hadith de telle sorte que même si l'un d'entre eux, son bâton, son fouet venait à tomber par terre, il ne demandait à personne de le ramasser pour lui. Regardez un peu l'exemple. Hein, il ne demandait à personne, il le faisait lui-même. Wa sabata fi hadith al-mas'alatu qala man sa'ala an-nasa takassuran fa inna ma yas'aluhum humran min jahannam fa yastaqilu aw yastakthir. Aw yastakthir. Donc il dit celui qui demande aux gens en vue d'amasser, hein, des biens, de multiplier ses biens, alors celui-là ne fait que tenir une braise du feu, hein, une pierre chauffée du feu. Donc, qu'il demande beaucoup ou peu, cela reviendra au même pour lui. Et fait hadith ibn Omar, fi al-mutasawwil, ya'ti wa wajjahu. Ah là, il y a un mot, je ne sais pas, il est mal écrit. Il y a un mot, il est mal écrit là. Donc, il dit celui qui demande, le mendiant, sans droit bien sûr, qui demande de l'argent aux gens, il viendra le jour du jugement, le visage en lambeaux de chair. D'accord ? Le visage en lambeaux de chair. Ce qui prouve que cela est parmi les grands péchés. Quand tu vois un hadith qui est une menace avec un châtiment dans l'au-delà, prends pour règle qu'il fait partie des grands péchés. ويقول والأحاديث في ذلك كثيرة وقد أفرد شيخنا رحمه الله تعالى برسالة سماها ذم المسألة وإن كان السؤال لمن لك الحق عليه مثل الوالد أو الأم وما لذلك فهو مباح وإن تسأل الإنسان ما كان شريكا فيه له مال فيه أو يسأل السلطان يسأل سلطانا فيما لابد منه فيما لابد منه ننسى بترك سؤال الصلاة فإنه تعرض للمذلة والتنازلات. Donc il dit que par contre le fait de demander à des gens sur qui tu as un droit, comme par exemple demander à ton père ou demander à ta mère ou à ton associé dans un commerce qui aurait de l'argent, hein, cela t'est permis. Ou même de demander au gouverneur dans une chose qui t'est indispensable, tu peux le demander. Cependant, le chien lui voit que éviter de demander au gouverneur cela est meilleur car cela est un rabaissement. Et cela va t'emmener à des concessions. Car le gouverneur va te demander, c'est en contrepartie, te demande d'agir de sorte à ce que tu délaisses des choses. Donc lui, il dit c'est meilleur de ne pas te demander au gouverneur. Non. Donc il voit que la demande, elle a des conditions. Tu ne peux pas demander à n'importe qui. Et également, lui, il voit, pour celui qui serait converti, je lui ai déjà posé la question, par rapport à ses parents, est-ce qu'il est en droit de demander à ses parents de l'argent s'il a besoin? Il dit, cela est permis, cependant, cela va enlaidir la da'wa. Car pourquoi? Le musulman a une fierté et un honneur. Et si jamais il va se rabaisser à demander à ses parents, qui sont chrétiens ou juifs ou autres, ceux-là, ils vont dire, bah tiens, regarde, tu es converti, mais tu n'as rien du tout. Tu reviens vers moi. Hein, tu reviens vers moi. Donc il dit, c'est meilleur de délaisser. Tu as le droit de le faire, mais c'est mieux de délaisser, de ne pas leur demander. Pourquoi? Pour leur montrer justement la force de l'islam. Non. Par contre, dans des cas d'arura, tu n'as pas le choix. Alors là, cela t'est permis, biznillah ta'ala, de demander à tes parents. Il n'y a pas de mal à cela. Là, j'aimerais parler, vous savez que ce fléau des associations, des jamaïas, dans le monde entier, s'est décuplé, s'est propagé. Surtout en France. Hein, surtout en France. Ces associations sont très connues auprès de vous. Elles n'arrêtent pas d'envoyer des mails à droite à gauche, d'envoyer des pièces jointes, de demander, donner, aider la darwa, aidez-nous à ceci, aidez-nous à cela. Tous ces gens-là rentrent dans ces menaces. Hein? Donc c'est le problème là tout seul, suffit à dire que ces associations sont interdites. Hein, ce point-là suffit de l'interdire. Par exemple, vous avez quoi? Celle qui est connue qui s'appelle le Palmier en France, le CEP, qui s'appelle le Palmier en France, qui est à Montreuil, qui est aujourd'hui à Saint-Denis. Et je vous dis, hein, ce palmier est plus en droit d'être appelé le cocotier, car c'est une mascarade. Hein, ils prétendent vouloir combattre l'ignorance en France, d'après eux, bah, qu'ils commencent déjà par combattre l'ignorance qui est en eux. Car ces gens-là, la plupart d'entre eux n'ont pas étudié. Ne sont pas des toulabélènes. Et ceux qui ont étudié auront très peu étudié. Donc ces gens-là, s'ils veulent vraiment combattre l'ignorance, ils sont sincères, qu'ils commencent déjà par étudier. Ce sera un premier point. Et comment donner ce que tu n'as pas? Ils veulent donner de la science aux gens, eux-mêmes n'en ont pas. Et regardez bien, ces gens-là sont tout le temps en train de mendier. Les palmiers sont connus, tout le temps en train de mendier. Ils vous mendient pour avoir un nouveau centre. Ils vous mendient pour avoir du matériel. Ils vous mendient pour avoir des locaux. Ils vous mendient pour avoir ceci, cela. Et à la fin, non seulement tu payes pour avoir tout ça, mais tu payes en plus pour avoir des cours. La ilaha illallah. Et tu payes pour la suite pour avoir des cours. Tout n'est qu'une rentrée d'argent. Hein? Ce n'est que faire rentrer de l'argent. Donc en vrai, les élèves qui sont palmiers, ce ne sont pas des élèves. Ce sont des clients. Il faut dire la vérité. Ce sont des clients. Ils se font appâter par Usul Salafa, Kitab Tawhid, un peu de Tajwid, une conférence par-ci, par-là. Et la vérité, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Prendre votre argent et rassembler les gens autour d'eux. Comme l'a dit Cheikh Abou Amr, Hafizahullah Ta'ala, dans sa mise en garde. Donc, ce centre, en vérité, est plus une entreprise commerciale à but lucratif, hein, bâtie sur le fait de ramasser de l'argent. Et non la propagation de la science, cette science qu'eux-mêmes n'ont pas. Et vous le savez, il y en a un dernièrement qui s'est fait virer, c'est Ibrahim Abou Talha qui était au Yémen à Demedj, hein, de Bobigny, qui s'est fait virer du palmier, qui nous sort un audio dans lequel il tente d'en sortir la tête haute. Notre frère Abdullah Abou Youssouf a déjà répliqué, sans vouloir rentrer dans le détail, mais pour vous dire que cette personne-là, comment elle est trompeuse, hein, qui s'est fait virer du palmier, et s'est mis à parler quand son salaire lui a été coupé. Ça fait des années qu'il est au palmier, qu'il est enseignant là-bas. Et le jour où il le vire, c'est là qu'il parle. T'as plus de paye, donc maintenant tu parles. Non, il fallait parler avant. Donc c'est là ce qu'on voit, quelle est l'intention de ces gens-là. Et également, Ibrahim, Adaullah, n'a pas fait tawba. Qu'à sortir de là et parler sur eux, hein, tu as été chez eux pendant des années. Plusieurs années. Et ces mukharafats, ces transgressions étaient présentes devant ses yeux. La mise en garde de Cheikh Abou Amr, c'est un argument qui a été établi sur eux, que ce soit les enseignants ou les élèves, excusez-moi, les clients on va dire, hein, réellement, les clients qui ont été là-bas, qui ont vu cette mise en garde, ont vu les preuves établies sur l'égarement de cette association, de ce centre, ils n'avaient pas le droit d'y aller. Donc sortir du palmier aujourd'hui, se faire virer, et dire, ouais, ils sont ici, ils ont mis cela, toi, tu le savais, donc tu dois faire tawba également. Astaghfirullah wa atubu ilayk d'avoir été avec ces gens-là. Et le fait d'avoir pris une nasiha de Cheikh Abou Amr al un wafakahullah ne suffit pas. Car Cheikh Abou Amr al-Arabi, ce n'est pas un verset du Coran, ce n'est pas un hadith. Lui, il a vu ce qu'il avait à voir, mais toi, tu avais des versets, tu avais des preuves qui te démontraient que ce centre-là n'était pas droit. Et dans cet audio, ce qui nous a fait rire, c'est qu'il parle au début, il dit que chez El-Sunnah, hein, les gens de la Sunnah, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de sirriya, comme il dit. Mais quand il était à Demedj, il faisait quoi, l'Ibrahim, pendant les douloureuses de Shir? Dans sa maison, camouflé avec ses copains, des sirriya, il faisait. Et qu'est-ce qui était reproché aux ashab, aux partisans de Abd al-Rahman al-Adani que lui défend. C'est exactement ça. Qu'ils se réunissaient secrètement dans des maisons, dans des champs, dans des lieux, dans des mosquées, pendant les cours de shir pour parler entre eux. Et aujourd'hui que c'est permis, c'est viré, il reconnaît que cette chose-là n'est pas permise. Mais quand c'était les Ashab de Adani à Demej, il les défendait. Complètement contradictoire. Ce qui prouve que là, c'est du hawa, c'est des passions qui parlent. Ce n'est pas la prise de défense de la religion Allah. Là, c'est personnel. On m'a viré, donc je parle aujourd'hui. Et s'il était sincère depuis Demej, il aurait appliqué cette règle-là. Il n'aurait pas défendu l'Ashab de Adani, hein, et un Sourba et Djabeli, ce qui a causé à quoi qu'il se fasse renvoyer de Demej. Non. Et il n'y a pas que lui, là je parle lui en parenthèse, il n'y a pas que lui. Car lui, Ibrahim, par rapport à ce hadith, c'est quoi le lien avec le hadith? C'est qu'il n'a pas préservé Allah, ses lois, ses limites. Car la fitna d'Ibrahim a commencé depuis des matchs. Depuis là, on a vu que cette personne-là commence à virer. Peut-être même avant, alors là, on n'est pas au courant, je le connais. J'ai croisé peut-être une ou deux fois en France auparavant. Moi, je ne voyais de lui que du bien. Mais la réalité, cette fitna a montré qui il était. Qu'il était orgueilleux, qu'il mentait, qu'il trompait. Et aujourd'hui, et il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Non. Également, vous avez l'exemple de la Maktaba Salafia, qui sont parmi les plus acharnés à vouloir s'en prendre à la droite des Medj. Là, on dirait quoi? Une mouche qui s'en prend à une montagne. La Maktaba Salafia, ils sont comme le palmier à peu près. C'est la même chose, hein, le même procédé. On demande plein d'argent, on prend des escaliers savants. Sauf que eux, jusqu'à présent, on n'a pas entendu que le palmier ait fait des attaques publiques officielles contre des Medj. On sait qui parle par en dessous, sûrement, ça c'est pas un secret. Seulement la Maktaba Salafia a carrément ouvert des sites anti-Shariaria, des sites entiers pour parler sur Sharia seulement. Est-ce qu'ils l'ont fait pour d'autres innovateurs? Non. Shariaria a droit à un site officiel. Alors regardez un peu, tellement il est dangereux. Donc ces gens-là, c'est la même chose. Aidez pour la mosquée Kada, aidez-nous pour ceci, cela, aidez-nous pour ceci, cela, aidez, donnez de l'argent. Toujours donnez de l'argent. Hein? Vous avez également Fourcon qui est en Belgique, à Bruxelles, et tous ses copains hein, en général. Et ils sont tous unis sur la guerre contre Demej. Tous c'est pareil. Donnez de l'argent. Et quand on leur donne des preuves, qu'est-ce qu'ils nous sortent, eux, comme argument? Des PDF avec des photos de savants. Barakallahu fik. Nous on te dit, je prétends être salafi. C'est quoi le minhaj salaf? C'est ittiba al-kitab wa sunnah à la fin salaf salih min adil umma. C'est que tu suives le livre et la sunna avec la compréhension des salafs. On est bien d'accord. Donc le salafi, quand il vient argumenter sur un sujet quelconque de la religion, qu'est-ce qu'il apporte pour pouvoir démontrer que ses faits sont exacts et conformes à la religion? Il apporte des versets du Coran. Il apporte des ahadiths. Il apporte des asaf des salafs. Et après cela, s'il veut, il apporte des fatawas de savants qui confirment ce qu'il dit. Est-ce qu'ils ont fait cela, eux? Non, rien. Cheikh Foulani dit. Cheikh Intel dit. Et quand tu regardes les fatwas des Shir Intel, il n'y a aucune preuve qui autorise ce qu'ils font. Le savant peut être mujtahid dans un sujet, voir une chose, hein. Il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Seulement, eux, ils vont faire quoi? Ils vont chercher tout ce qu'il y a dans leur sens. Hein, ils te ramènent comme un cocktail de fatawa, hein, des grands savants, comme ils disent, des grands savants, ils aiment bien le dire, hein, les ulama al-kibar. Ils te font tout un PDF. C'est bien, un beau travail de traduction, mais je ne vois pas de verset, je ne vois pas de hadith, je ne vois pas ce qui est l'origine de notre religion, c'est là qu'on apprend, pas des fatawas. Hein, la fatwa, justement, à la base, la fatwa est basée sur un dalil. Donc, ou tu passes le dalil en premier, ensuite, tu passes la fatwa. Non, eux, ils font rien de cela. Et après, ils te font la guerre. Tu ne vois pas que les jam'ayas sont autorisés, bah t'as haddadi. Aïwa, naam, on a trouvé que ça à faire. Hein? Comme tu ne sais pas argumenter, bah t'insultes les gens, hein? Et tu les badda, toi. Alors que c'est à la base, la bid'ah, c'est toi, allez sur toi la bid'ah. Les associations n'existaient pas à l'époque des salafs. Ça n'existait pas, ça. Ils pouvaient le faire, si vous voulez. Ils ne l'ont pas fait. Hein, ils n'ont pas fait. Non. Donc, on en a vu d'autres, comme cela, comme le Hassan Abu Asmal al-Maghribi, qui est tout le temps en train de venir en France faire da'wah, soi-disant, avec qui? Les jam'aya, comme d'habitude. Hein, il les aide, il les soutient. Fais da'wah au Maroc, mon frère. T'es marocain, alhamdoulilah, au Maroc, il y a besoin d'une grosse da'wah, t'es marocain. Commence par le pays dans lequel tu es. Barakallahu fik. Hein? Tout le temps venir en France faire da'wah. Les salafs, c'était pas connu d'agir de la sorte. Même, c'était un sahabi, là j'ai plus le nom en tête, qui craignait de mourir quand il est revenu à Mecca. Il craignait de mourir là-bas. Eux, ils viennent tout le temps, mon frère. Tout le temps, ils viennent là-bas. T'as pas peur de mourir en France? T'es au Maroc, t'es marocain, alhamdoulilah, reste dans ton pays, fais da'wah là-bas. Et de là-bas, tu peux faire da'wah pour les frères de France par internet. Hein? Tu fais des audios, ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de venir. Tout le temps, en plus par des associations. Wallahi azabillah. Et vous en avez un encore qui, parmi ceux qui sont exprimés Vous avez l'autre, l'haïtien Souleyman qui est à Montréal. Je ne vais pas relancer encore l'histoire de ce que notre frère Boulokman a déjà, alhamdoulilah, a déjà bien détaillé dans son rôle sur lui, dont Souleyman n'a pas pu répondre à une ligne, mais aujourd'hui il nous revient encore, on a entendu un audio il n'y a pas longtemps, il revient encore avec les mêmes balivernes, hein, toujours aussi dénués de Dalil, juste de Taklid. Et bien ces gens-là, on les a invités à répondre à ce qui leur a été exposé comme preuve. Car Souleyman, dans son site, il demande de l'argent lui aussi. Il a une case en bas, aidez la darwa, faites un don pour la darwa. Et cela par quoi? Par le biais de banques, par le PayPal. Hein? Par le PayPal. Dedans, il y a du riba. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est, la'anallahu akil al-riba, al-akil al-riba wa mu'akkila. Que Allah a maudit celui qui consomme du riba et qui le fait consommer. Donc les banques, c'est à éviter tant qu'il n'y a pas de daroura, de nécessité vitale. Elle est où la daroura chez ces gens-là? Aidez la darwa. Et il y a eu le toupet sur un tweet qu'on nous a envoyé, un Twitter, un message Twitter, de dire que, en croire certains, on dirait que l'islam s'est propagé sans argent et que les sahaba ont tout dépensé pour la darwa. On dit, naam, c'est vrai. Souleyman a dit vrai. Lakin kadimatu haq ou les abiha batin. Plutôt une parole vraie par laquelle une fausseté évolue. Comme Ali Ardarno a dit au Khawarij, quand ils ont dit quoi? Il n'est hukma lillah, que le jugement n'est que Allah. La parole, elle est vraie. Mais c'est quoi ton but derrière? Hein? Bila alik. Est-ce que les sahaba demandent de l'argent aux gens? Les hadiths qu'on a cités précédemment, le suffisent. Même un fouet, un bâton, ils ne voulaient pas que tu ramasses pour lui. Est-ce qu'ils demandaient aux gens, donner, aider la darwa? Mais jamais. Jamais ils ont fait ça. Cela leur était interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les gens viennent, ils disent salafis, on suit les sahaba, et ils font tout le contraire. Et quand on leur dit de ne pas faire ça, ils s'en prennent à toi. Donc là, regardez bien, l'argent dans la darwa, nam, c'est un moyen. Si tu en as, c'est une bonne chose, elle t'aide. Mais cela ne doit pas te pousser à tomber dans l'illicite, dans le haram. On ne marche pas sur la règle d'Ikhwan, al-wasila, tubariru, al-raya. Que la fin justifie les moyens. Ces gens-là font des redoutes sur les Ikhwan muslimines et marchent sur leurs règles. C'est hallucinant quand même. Ils passent sur les Ikhwan muslimines, mais ils appliquent leurs règles. Tout comme cette règle qui est Nata'awan, Fima. Que l'on s'entraide dans ce sur quoi on est d'accord et on s'excuse les autres dans ce sur quoi on diverge. Ils appliquent toute cette règle-là. Et pourtant, ils passent sur les croix musulmans. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ata'muruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum taqruna al-kitab afala ta'qilun. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre? N'avez-vous pas de raison? Également, nous, on leur dit, si vous divergez en quoi que ce soit, alors son jugement revient à Allah. Et il dit également, Subhanahu wa ta'ala, fi kitabi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Et que par ton Seigneur, ils ne croient pas tant qu'ils ne jugent pas, hein, ils ne te font pas juger lorsqu'ils divergent, et qu'ensuite, ils ne trouvent aucune gêne de ce que tu aurais mis comme jugement, et qu'ils s'y soumettent. Et également, فَيْتَنَازَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et que si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et en son messager. Si vous croyez en Allah au jour dernier, c'est une condition de l'imène, de revenir à Allah et son messager dans toute divergence entre nous. Et que cela ait de meilleures interprétations. Est-ce qu'ils ont agi de la sorte? Regardez bien, mes frères, ça c'est des versets coraniques qui est obligatoire à tout muslim de suivre. On les appelle à cela. Ils sont où? Ils se sauvent. On vous appelle à un débat scientifique avec des preuves. Ils ne peuvent pas. Donc, à la base, ce que tu ne peux pas, c'est que tu n'as pas de preuves. Donc, si tu n'as pas de preuves, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. Non. Eux, ils persistent. Non seulement ils persistent, mais en plus, ils s'en prennent à leurs détracteurs. C'est ça le pire. Sinon, c'est pas seulement, ouais, bon, je ne peux pas répondre, je me fais petit. Non, c'est non seulement, je n'arrive pas à répondre, mais en plus, je gonfle la poitrine. Un minimum, tu te fais petit et discret. Tu dis, j'arrive pas à répondre. Ou t'as du hawa en toi, tu le reconnais. Tu te dis, j'ai une faiblesse, j'arrive pas. Taïeb. Bainak ou binallah. Seulement eux, non. Eux, carrément, ils gonflent la poitrine, comme on dit. Hein, et se réunissent pour affronter leurs opposants. Mais comme nous l'avons dit en dash d'hier, même vous êtes 1 million, 1 milliard, vous ne pourrez rien faire. Car le haq, il n'est pas avec vous. Le haq, il n'est pas avec vous dans ce que vous faites. Et de là, le lien avec le hadith, c'est que ces gens-là, pour les khalels dans leur religion qu'ils ont, les défaillances, leurs oppositions et leurs transgressions, regardez ce qui se passe aujourd'hui, Tous des maftoun. Il n'y en a pas un qui se le haque dans cette fitna et qui a la clairvoyance. Tous éprouvés. Car à la base, ils ont des transgressions dans la religion. Comme nous l'avons dit, tout le monde commet des péchés. Même nous, les premiers, on ne dit pas, nous on est meilleurs, machallah, on est bien. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on fait comprendre, c'est que des gens qui ont des transgressions au nom de la religion apparente devant tout le monde, qui ont été conseillés et que l'argument leur a été donné, et persistent, et bien regardez les résultats aujourd'hui, ça dévie du ménage salafi. Et la salafia, c'est pas un mot qu'on prononce sur la langue. C'est bien de dire je suis salafi, mais la salafia, ça s'applique. C'est un suivi. C'est un menhaj, c'est une aqida. C'est pas juste une parole qu'on prononce sur le bout de la langue. C'est pas une mode. C'est pas un hizb. Hein, c'est pas un hizb. Notre frère salafi, notre frère salafi, notre frère salafi. Ça sert à rien de le dire tout le temps. Un salafi, ça va se voir. Bihamdillah, un salafi, il est clair, ça se voit. Un salafi, ça se voit. Alhamdulillah, il est clair. Donc, cette façon de faire, hein, de demander de l'argent à tout va, ça vient de qui ça? Qui est-ce qui met des boîtes à l'entrée des églises? Qui est-ce qui, à la fin de la messe, vient avec un petit panier faire la quête? C'est qui fait ça? Amadeus. C'est des kuffars, il n'y a pas ça en islam. Les sahabas ne demandaient pas d'argent. Les boîtes de récolte dans les masajis, c'est un truc nouveau ça. Il n'y a pas ça chez les salafs. Donc c'est ça, c'est quoi? Tachabou bi kuffar. Encore un point qui montre que les jam'iyah, transgression, ressemblance avec les kuffars. Tu demandes de l'argent aux gens, tu tends la main, à tout va. Non, ça n'existait pas dans la religion. D'accord? Ça n'existait pas dans la religion. Et ces gens-là, leur salafia, elle est basée sur quoi? Elle se résume, tu suis Sharabia. Voilà. C'est ça la salafia pour eux. Suis Sharabia. Et encore, attention, Sharabia, on le suit dans ce qu'on veut. Parce que Sharabia, c'est le point là qu'on parle là, on est d'accord avec lui. Il dit la même chose que nous. C'est interdit. Pourtant, il n'écoute pas là. Il ne va pas l'écouter. Quand Sharabia n'est pas d'accord, on va voir notre savant. Quand l'autre savant, par exemple, on va chercher Souhaïbi pour avoir une fatwa pour pouvoir faire une jam'iyya. T'as dit? Bah, va voir chercher Souhaïbi et pas sur des matchs. Ah non, chercher Souhaïbi, il ne va pas être d'accord avec nous. Bon, on va aller voir qui? On va aller voir un autre savant. On va aller voir Obeid. Hein? On joue comme ça avec les savants. Quand un n'est pas d'accord avec nous, on va voir un autre. Lui n'est pas d'accord avec nous, on va voir un autre. Mais même ces savants-là, là, qu'ils prétendent suivre, moi je vois dans leur site, Shirabi ou les autres, je vois pas qu'il y ait une demande de don. Je vois nulle part une case dans le site des savants, en bas là, où ils demandent Tabalo et Dawa. Ça n'existe pas, même chez eux. Même leurs savants, ils font pas ça. C'est quand même hallucinant. Un savant qui a plus de science que toi, hein, qui a plus de soucis pour la Dawa que toi, ainsi que Sahaba, ils n'ont pas fait. Donc toi, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver par là? Tu veux prouver, si ce n'est que tu es un Jahil et un Saibahawa. Un ignorant et quelqu'un qui suit ses passions. Là, il est le résultat de tout cela. Donc pour reprendre le cours, je m'excuse pour cette parenthèse, mais elle était importante. Hein, elle était importante. Et chez ces gens-là, mais il y en a plein d'autres. Hein, vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, c'est parmi les plus connus. Et comme c'est Souleyman qui dit qu'il n'y a rien, Nam, c'est vrai, t'es rien. Nous aussi, on n'est rien aussi. Mais t'as un auditoire, t'as des gens qui t'écoutent, donc de là. Et souvent, les gens ignorants ont tendance à gonfler les gens quand ils ne savent pas. Tu viens, tu parles un peu l'arabe, tu connais quelques trois masaïl, voilà, c'est quoi que t'es chez l'islam? Ces gens-là, ça se voit qu'ils n'ont pas étudié vraiment chez les savants. Quand tu connais un savant, tu as eu un savant devant toi, beaucoup. Tu vois les muhadara qu'il fait, les khutbah qu'il fait. Crois-moi que tu te fais petit, tu es humble. Et tu vois vraiment que tu n'es rien. Mais les gens aiment bien, je dis, je suis rien, et après ils parlent. Bah, si t'es rien, bah, tais-toi. Si t'es sincère dans ce que tu dis, tu n'es rien, je suis qui moi? Bah, tais-toi. Et dire, je suis à Montréal, bah, moi, j'aurais honte de dire, je suis à Montréal, alors qu'il est. Franchement, je ne le dirais même pas. Ou je dirais, je suis à Montréal, c'est à faire là, tout boulet, Nassallah, il va faire canine, il hijra. Au moins, je fais un doigt quand elle me sort. Mais lui, il sort ça, ah, il dit, je suis à Montréal, et après, il rigole. Tu vois? Un gars à Montréal, c'est pas simple. T'es chez les koufars. Il se peut qu'il ait une excuse. Allah, on ne connaît pas. Mais celui qui a une excuse, au moins, il n'en parle pas. Il dit pas, je suis là, je suis en France, je suis à New York, je suis à Paris, je suis à tel endroit. Car à la base, ce n'est pas permis. Hein, ce n'est pas permis. Donc en plus, un prédicateur qui est censé être un exemple pour les gens, il applique. Avant d'appeler les gens à une chose, il applique lui-même. Et ensuite, il appelle les gens. Comme ça, au moins, il est crédible dans sa darwa. Naam. Tayyib. Donc on reprend dans la partie du hadith. Où il dit, donc là, le lien de ce que tu viens de dire par rapport à ces gens-là, rappelez-vous bien les paroles de Shir Saleh al-Shir au début du cours, quand il évoque le fait que la personne ne préserve pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ces genres d'actions que nous venons de citer par rapport à ces gens-là. Hein? Ou le fait qu'ils essayent ta face à l'Illah, et que dans le fait de demander, il y a des demandes avec la créature qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas, comme le fait de demander de l'argent, de demander aux gens de leur bien. Ce qui amène à quoi? Que celui qui contredit la religion clairement, soit qui s'attend à être atteint par une fitna. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Mais on le rappelle, mais ils ne veulent pas entendre. Donc il dit, Qoluhu, wa yasta'anta fasta'in billah. Et si jamais tu demandes de l'aide, alors demande à Allah. يجب على المسلم أن يكون مستعينا بالله في سائر حياته. ومن استعنى عن الله طرفة عين قد كفر بالله. Il est obligatoire aux musulmans qui soient tout le temps en train de rechercher de l'aide auprès d'Allah dans toute sa vie, dans tout ce qui touche à sa vie. Et que celui qui se dispense de cela, qui croit qu'il peut se passer d'Allah, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, celui-là l'aura certes mécru. Quand le Ta'ala, Ya ayyuhan nas wa antum fukara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid, in yasha yudhibkum yati bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz. Ô vous les gens, vous êtes certes les pauvres et Allah, vous êtes les pauvres devant Allah, et Allah c'est lui le riche, et le loué. Et que s'il veut, il vous fait disparaître et vient avec une nouvelle création. Et que cela n'est vraiment pas dur pour Allah. Naam. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنَا عَنِ اللَّهِ تَرْفَةَ عَيْنِ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَانِهِ فِي كُلْ حَيَاتِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كلمة واحدة ما تستطيع أن تخرجها في طاعة الله إلا أن يعينك الله. Donc il dit qu'il n'est pas possible à la personne de se passer de l'aide d'Allah ne serait-ce qu'un instant. Il doit tout le temps être en train de rechercher de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous ses mouvements, hein, même dans son inactivité et dans toute sa vie. Comme Allah dit dans le sens, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous recherchons de l'aide. Yaka na'budu wa yaka nasta'in. Une seule parole, tu ne serais pas en mesure de la prononcer, ce n'est par l'aide d'Allah. Une seule parole dans l'obéissance d'Allah te serait impossible à sortir, à prononcer, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Quoi que tu fasses, c'est par l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَالِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ لَا يَسْتَعْنِي عَنَا أَحَدٌ أَبَدًا تَرْفَةَ عَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ افْتَتَحَ خُطْبَتَهُ غَالِبٌ خطبته يفتتحها بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Donc il n'est pas possible de se passer de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'un instant. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait ses khutbah, il commençait par khutbat al-hajja, très souvent, en disant, certes, la louange est à Allah, c'est lui que nous louons, et c'est auprès de lui que nous cherchons de l'aide, et c'est à lui que nous demandons pardon. Comme vous le savez souvent, quand on commence les conférences, les khutbah ou autres, « Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina ila akhirih. » Vous connaissez cela. On dit quoi dedans ?« Nasta'inu. » Nous lui demandons de l'aide. Donc il dit également, par les causes de venue que Allah nous apporte son aide, il y a des causes. Il dit « Asbab, tayyib, fala wala asbab, minha as-sabr wa as-salah. » قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ومنها إعانة المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومنها الدعاء ومن دعائه ربي أعيني ولا تعين علي. نعم. وكما في حديث ابن عباس الاستعانة بالله في ليلك ونهارك وفي أقوالك وأفعالك وفي سكوتك وفي حياتك كلها أمر لابد منه ولا يوفق العبد إلا أن يكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى. Qui dit parmi les causes qu'Allah nous apporte son aide, il y a par exemple la patience et la salat. Il dit واستعينوا بالصبر والصلاة, hein, et recherchez de l'aide dans la patience et dans la compassion de la salat. Également le fait d'aider le musulman, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui lui-même viendra dans l'Arba'in Nawawi, que Allah et dans l'aide du serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. Naam. Également, il y a le dua qui est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Seigneur, aide-moi, mais n'aide pas contre moi. Hein? A'inni wa la tu'in alayha. Que son aide soit pour lui, mais pas contre lui, avec ses ennemis. Comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Abbas. Et que la recherche d'aide auprès d'Allah est en tout lieu, en toute heure, en tout moment. Que ce soit dans ta nuit, dans ta journée, dans tes paroles, dans tes actes, hein, dans ton mutisme, dans toute ta vie, cela t'est indispensable. Et que le serviteur, le succès ne lui a accordé que s'il recherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, قولهو وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Donc la parole, sache que si la communauté se rassembler entièrement afin de t'apporter quelconque aide, de t'être profitable, être bénéfique, ils ne t'apporteront rien si ce n'est ce que Allah t'a déjà écrit. Fi dalilun ala anna al-ummata la yanfa'una wa la yadurruna ila ba'd iradatillah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, cela prouve que la communauté ne peut apporter aucun aide, ni n'apporter aucune nuisance, si ce n'est après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdu yanfa' al-abdu li hadith Sa'd ibn Abi Waqqas wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafa' bika aqwamun wa yudarr bika akharun. Et cependant, le serviteur peut être bénéfique pour son frère. Hein, le serviteur peut être bénéfique pour son frère, profitable pour lui, bien sûr, après la volonté d'Allah, comme le prouve le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il se peut que tu sois mis comme khalifa afin que un peuple soit élevé par ta cause et d'autres soient rabaissés par ta cause. Donc le shahid là, yuntafa bika aqwamun, que des gens soient élevés par ta cause. Naam. Wa ba'd an yurid Allah subhanahu wa ta'ala dhalika illa la nafa la yanfa wa la yadur in kana la yuridu Allah dhalika. Donc cela n'a lieu qu'après la volonté d'Allah et que personne ne peut nuire ou apporter quelconque bénéfice si ce n'est après que Allah l'ait voulu. Et dans le hadith, qu'oluhu, il dit al-amru kulluhu lillah, qu'Allah ta'ala wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc le contrôle entier revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le sens, et que c'est sur Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc Allah ta'ala, ma asabaka min musibatin illa bi'iznillah. Dans le sens que aucun malheur ne t'est atteint si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc Allah ta'ala, kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa lallahi fayatawakkalil mu'minun. Et dans le sens, il dit que rien ne nous atteindra ce n'est ce que Allah a déjà écrit pour nous. Il est notre protecteur. Et que c'est sur Allah que nous basons notre confiance. Ou plutôt, c'est sur Allah que les croyants basent leur confiance. C'est sur Allah que les croyants basent leur confiance. Et il cita plein d'autres versets sur ce sujet. La hada yastati'u an yanna'a ma ata Allah ta'ala. Que personne ne peut bloquer ce que Allah donne, ce que Allah octroie. Innama ana qasim wa Allah mu'ti. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis juste celui qui partage entre vous et que c'est Allah qui donne. Wa qala ta'ala: qul illahumma malikul mulk tu'ti al mulka man tasha'a wa tunziru al mulka min man tasha'a wa tu'izzu man tasha'a wa tudhillu man tasha'a biyadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Que Allah dans le sens dit: ô Allah, le roi des rois, tu donnes le roi la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux, de qui tu veux. Tu donnes la force et la puissance, l'autorité à qui tu veux, et tu l'ôtes des mains de qui tu veux. Le bien est entre tes mains, et tu es certes capable de toute chose. Donc pour finir, il dit: Fa'al al-muslimin yakuna wathikan billahi subhanahu wa ta'ala, mu'tabidan alayhi fi kulli ahwalihi. Wa madama wathikan billah, fa inna Allah yudafi'u anhu. Qala ta'ala: inna Allah yudafi'u an alladhina amanu, inna Allah la yuhibbu kulli khawwanin kafur. Donc il incombe aux muslims d'avoir confiance en Allah, de se reposer sur lui en toute situation. Et tant qu'il restera de la sorte qu'il lui fasse confiance, alors Allah le défendra et le protégera. Comme il dit dans le sens: certes, Allah défend ou repousse le mal de ceux qui ont cru. Et Allah, certes Allah n'aime pas tout traître ingrat ou mécréant, comme on dirait. Khawwanun kafur. Naam. Wa 'ala al-insan an yahtaniya bi 'amal as-salih fima baynahu wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala wa an yakhafa min nafsihi akthara min ghayrihi wa min ma'asihi wa min dhunubihi wa min bawa'iqihi wa shururihi akthara mimma yakhafu min 'aybihi fa nusiba fi badanihi fa bi sabab dhunubihi ghaliban. Qala ta'ala: wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir. Wa qala: ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي ناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc il dit que la personne doit prendre soin, toujours accomplir des œuvres pieuses dans ce qui est entre lui et Allah, même dans l'intimité, et qu'il doit plus avoir peur de lui-même qu'autre chose. Hein? Car ton propre ennemi, ton plus grand ennemi est toi-même en premier. Ouais, comme dans le hadith. Nous recherchons refuge auprès d'Allah, notre propre mal et contre nos mauvaises actions. Donc là, la personne craint plus de lui-même que d'autrui. Et de ses péchés et de ses désobéissances. Plus que toute autre chose. Il doit plus avoir peur de ses péchés, de ses actes de désobéissance, de sa propre personne et de son nefs. Et que s'il est atteint d'un mal en lui-même, dans son corps ou autre, que souvent cela est pour la cause de ses péchés. Que souvent, pour la cause de ses péchés. Mais attention, dans le def précédent, nous avons dit que différencier entre l'épreuve calamité et le malheur, le châtiment. Il y a une différence entre les deux. Attention à bien distinguer entre les deux choses. Donc dans le sens, Allah il dit, et qu'aucun mal ne vous a atteint, si ce n'est pour ce que vos mains ont accompli. Et il pardonne beaucoup. Et dans le sens, il dit également que le mal, du moins le désordre, est apparu sur terre comme sur les mers pour ce que les gens ont accompli, afin qu'ils leur fassent goûter leurs œuvres en vue qu'ils reviennent. Hein, en vue qu'ils reviennent. Donc même là, quand un châtiment atteint une communauté, il y a un bien derrière du fait que cela est une cause pour qu'ils reviennent, qu'ils demandent pardon, qu'ils reviennent à Allah. Donc quoi qu'il en soit, il y a un bien derrière. Non. Donc de là s'achève le Ders. Et Inch'Allah, samedi, car le Shir n'a pas cité, comme je vous l'avais dit, la version supplémentaire qui a été apportée par autre que le Tirmidhi, hein, qui est importante elle-même à être expliquée, que je rajouterai en prenant dans l'explication d'autres ulama pour compléter ce def. Donc de là s'achève ce cours. Walhamdulillah, l'arbitre à l'ami.